JB fixé sur le Mikey. JB fixé sur le Mikey. JB fixé sur le Mikey. JB fixé sur le Mikey. JB fixé sur le Mikey. JB fixé sur le Mikey. JB fixé sur le Mikey. JB fixé sur le Mikey. Bouge ton corps, bouge ton body. Bouge ton corps, everybody. Bouge ton corps, bouge ton body. Bouge ton corps, everybody. JB fixé bientôt dans les boîtes 2010, nouvelle année. Ça va danser, tout éclater. Smurfé, t'estomaqué. Sur place, tu vas rester bloqué. Rester bloqué. Star chemise passée, t'es prêt, t'es fin prêt. Ce soir, ça va danser. Tu vas smurfé, tout éclater. Ce soir, le DJ va te laisser blesser passer. Everybody, everybody. Ce soir, le DJ va te laisser blesser passer. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody. Bouge à gauche, bouge à droite, bouge dans tous les sens. Ce soir tu mets l'ambiance, tu rentres en transe. Bouge à gauche, bouge à droite, bouge dans tous les sens. Ce soir tu mets l'ambiance, tu rentres en transe. Bouge à gauche, bouge à droite, bouge dans tous les sens. Ce soir tu mets l'ambiance, tu rentres en transe. Bouge à gauche, bouge à droite, bouge dans tous les sens. Ce soir tu mets l'ambiance, tu rentres en transe. Faut que tu bouges, faut que tu danses, faut que t'agites tes bras dans tous les sens. Faut que tu bouges, faut que tu rentres en transe. Vas-y sur la piste de danse, lâche tes pas, improvise. Toi et tes complices, rentre en transe, vas-y glisse, glisse. Faut que tu bouges, faut que tu danses, faut que t'agites tes bras dans tous les sens. Faut que tu bouges, faut que tu rentres en transe. Vas-y sur la piste de danse, lâche tes pas, improvise. Toi et tes complices, rentre en transe, vas-y glisse. Ce soir je suis tout seul, je suis le meilleur des bonhommes, je monte sur le podium. Ok, regardez-moi, les lumières sont sur moi, les meufs sont venues pour moi. Ce soir faut tout donner, faut tout lâcher ton décolleté. Ce soir faut tout donner, faut tout lâcher ton décolleté. Ok ok, faut arrêter de se la raconter. Comment tu t'es coiffé, je comprends pas. Dégage de ma piste, moi le roi, c'est moi l'artiste. Dégage de ma piste, everybody. Ce soir faut tout donner, faut tout lâcher ton décolleté. Ce soir faut tout donner, faut tout lâcher ton décolleté. Faut tout donner. Toutes les sexy ladies danse avec JB Fixé. Toutes les sexy ladies danse avec JB Fixé. Everybody. Toutes les sexy ladies. Everybody. Everybody. Everybody. Bouge ton corps, bouge ton body. Bouge ton corps, everybody. Bouge ton corps, bouge ton body. Bouge ton corps, everybody.